Dans les deux situations présentées, nous arrivons à hauteur d'une intersection régie par la règle de la priorité à droite. Cette balise a pour unique fonction de mettre en évidence l'intersection. Dans le cas numéro 1, la voiture est nettement visible et qu'elle aille à gauche ou à droite, je dois lui céder le passage. Dans le cas numéro 2, un bosquet masque presque totalement l'intersection. Si je suis vigilant, je n'ai pas d'autre solution que de ralentir très fortement pour m'assurer que personne ne vient de ma droite. Si je suis distrait, je cours un risque. Le cas numéro 2 est le plus dangereux. Réponse B.